بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue les frères, donc pour cette série de cours, ce séminaire de l'imam al-Bukhari. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous une science profitable. فقد جعل الله تبارك وتعالى كتابه نورا يهدي به من يشاء من عباده. الله تبارك وتعالى fait de son livre une lumière par laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Allah le Très-Haut qui dit: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Wa arsala Allah nabiyahu liyubayyin lin-nas ma fi hadha al-kitab. Et Allah a envoyé son messager, son prophète, pour montrer et expliquer aux gens ce qu'il y a dans ce livre. Allah le Très-Haut dit: wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyin lin-nas ma nuzila ilayhim. Et certes, nous avons fait descendre sur toi est dhikr, le rappel. Ce qui est voulu ici, c'est le Coran. Nous avons fait descendre sur toi le Coran. Litubayyina linnas, afin que tu expliques et que tu éclaircisses aux gens ce qui a été descendu sur eux. Et donc, afin que tu expliques aux gens et que tu leur éclaircisses le Coran. Fassunnatu mufassiratun lil Coran. Et donc, la sunna explique le Coran. Le Coran est une guidée pour les gens. Et la sunna explique le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel, al-dhikr, le Coran. Et certes, c'est nous qui le préservons. Fallahu tabaraka wa ta'ala yahfadhu hadha al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala préserve ce livre, le Coran. Ibtida'an. À la base, il le préserve, ce Coran. Thumma yahfadhu kadhalika as-sunnah. Et ensuite, Allah, il préserve aussi la sunnah. Li'anna as-sunnah mufassiratun lil-Quran. Car la sunnah explique le Coran. Fala yumkinu li ayyi ahadin an yakuma bi salatin wahida duna as-sunnah. Ce n'est pas possible. Il n'est possible à quiconque d'accomplir une seule prière sans la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui t'ordonne d'accomplir la prière. Mais comment est la description de cette prière? Comment il priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est dans la sunna. Fallahu tabaraka wa ta'ala ja'ala min al-asbab li hifdhi hadhihi sunna a'immatan yadhubbuna an sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Allah a placé des causes permettant de préserver cette sunna. Et parmi ces causes, il y a des imams, des savants, qui vont défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ha'ula il imma al-imam al-Bukhari rahimahullah. Il y a parmi ces imams, l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa haqiqatan yas'ubu alayna an nadhkura siratahu wa tarjamatahu fi darsin wahid. Et en réalité, il est difficile de citer la biographie de cet imam en un seul cours. Falidhalika ahbabtu an ughayyira al-unwan shay'an ma. Et c'est pour cela que j'ai préféré changer le titre un peu. Fanaj'aluhu madkhalan ila ma'rifati siratil imam al-Bukhari. Introduction à la connaissance de la vie de l'imam al-Bukhari. Introduction à la connaissance de la vie de l'imam al-Bukhari. Car il est difficile en un seul cours de citer ce dont on a besoin pour étudier la vie de cet homme. Fait, huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, et donc c'est, son nom c'est Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira, ou ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi. Et donc, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail, Muhammad fils de Ismail, fils de Ibrahim, fils de Mughira, fils de Bardizba, al-Ju'fi. Kana Bardizba farisiyan. Wa kana ala dini qawmihi. Et donc, Barzizba, les frères, ils n'étaient pas musulmans. Ils n'étaient pas musulmans. Eslama ibnuhu, c'est son fils qui s'est converti, El Mourira. Ala Yadi El Djuafi. Il s'est converti, donc son fils El Mourira, par la cause de El Djuafi. Du moins, El Yémen El Djuafi. Un homme qui était appelé El Yémen El Djuafi. Et c'est pour cela que nous voyons donc, dans la lignée de l'imam al-Bukhari, le fait qu'il soit affilié à al-Djurfi. C'est par rapport au fait que al-Mourira, qui fait partie de ses ancêtres, qui lui a été converti par la cause de al-Yémen al-Djurfi. Wa kana abuhu min ahli al-ilmi wal-fadl. Et son père, à l'imam al-Bukhari, il faisait partie des gens de science et de mérite. فقد أدرك حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وروى عن الإمام مالك. Le père de l'imam al-Bukhari, il a rencontré Abdullah ibn Zayd, ainsi que Hammad ibn Zayd, excusez-moi, il a rencontré Hammad ibn Zayd, ainsi que Abdullah ibn al-Mubarak, parmi les grands savants de cette communauté. Mais il a aussi rapporté des narrations de l'imam Malik. Et donc cet homme était un narrateur de hadith. Il était connu donc aussi pour sa science. وَكَانَ تَاجِرًا يَتَحَرَّ الْحَلَالِ وَيَجْتَنِبُ الْحَرَامِ وَكُلَّ مَا فِيهِ شُبْهَةً. C'était un homme qui était connu, c'était un grand commerçant qui était connu pour faire des efforts, s'efforcer afin que son gain soit licite. Qu'il n'y ait pas d'illicite dans ses biens. Ou alors, qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté dans ses biens. Amma walidatuhu fakanat min an-nisa as-salihat. Par contre, sa mère, la mère de l'imam al-Bukhari, elle faisait partie des femmes vertueuses. Dhukira anha anna al-Bukhari faqada basarahu wa huwa saghir. Faj'alat tabki wa tukthiru min ad-du'a. Il a été cité que al-Bukhari, l'imam al-Bukhari a perdu la vue alors qu'il était jeune, alors qu'il était enfant. Alors cette femme s'est mise à pleurer et à faire beaucoup d'invocations. Fara'at fi laylatin Ibrahim alayhi salam qala laha ya hadhihi raddallahu ila waladik basara bi kathrati du'aik. Et donc durant une nuit, cette femme, elle a rêvé que Ibrahim alayhi salam, il lui adressait la parole en disant: ô toi, certes Allah a rendu la vue à ton enfant, par la cause du grand nombre d'invocations que tu as fait. Fastaiqadat wa wajadat waladaha qad rudda ilayhi basara. Et donc elle s'est réveillée et elle a vu son fils alors que la vue lui a été rendue. Zakara hadhihi al-qissa al-Lalaka'i fi sharh usul ahl sunnah. Et donc cette histoire a été citée donc par l'imam al-Lalaka'i, donc, dans son livre Sharh Usul, ou article Ahl Sunnah. Ensuite, كانت هذه المرأة حريصة على تعليم ابنها. Cette femme, elle faisait beaucoup d'efforts, elle s'efforçait dans l'enseignement de son fils. Et c'est ça que faisaient beaucoup de femmes à l'époque. وقد ذكر هذا عن كثير من السلف. Cela a été rapporté de beaucoup de nos pieux prédécesseurs. Sufyan al-Thawri, l'imam Malik. Et donc ces mères qui accordaient beaucoup d'importance à cela. Aujourd'hui, nous devons nous poser des questions par rapport à l'éducation que nous accordons à nos enfants. Est-ce que réellement nous enseignons à nos enfants ce qui leur est profitable? Est-ce que réellement nous les mettons dans des conditions pour faire d'eux des personnes qui seront utiles à cette communauté? Regardez l'œuvre qu'a fait cette femme, l'éducation qu'elle a donnée à cet enfant, qui est devenu par la suite l'imam al-Bukhari. Que si on parle de hadith, on ne peut pas ne pas citer l'imam al-Bukhari. L'auteur du meilleur livre après le livre d'Allah. Encore une fois, on l'avait déjà cité ici dans cette mosquée. La mère de l'imam Malik, rappelez-vous, on avait dit, est-elle récompensée? Est-elle récompensée à chaque fois qu'on profite de la science de l'imam Malik jusqu'à ce jour? On avait parlé de la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anhuma, qui a envoyé son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le servir. Et cet enfant, Anas, qui a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est devenu un grand savant parmi les compagnons. Fahakada. Yanbari annata ammel. Nous devons donc, mes frères, méditer sur notre situation avec nos enfants. Est-ce que nous les mettons dans des conditions pour qu'ils apprennent correctement leur religion? Fanasha'a hadha al-imam fi bi'atin 'ilmiyyah wa kana sahibu fahmin wa dhaka. Et donc cet imam, il a grandi dans un cadre scientifique et il avait une bonne compréhension, une très bonne compréhension, et il était intelligent. Fa ba'da ma atamma hifdh al-Qur'an jalasa fi majalis al-kuttab hatta balagha al-'ashira min 'umrihi. فلما دخل في الحادي عشر ذهب يطلب العلم على يد أهل بلده. Après qu'il a terminé la mémorisation du Coran, il a commencé à profiter des assises, donc l'enseignement spécialisé pour les enfants, les kuttab. C'est comme cela qu'il commençait. Et ensuite, après cela, lorsqu'il a atteint les 10 ans, non, jusqu'à ce qu'il atteigne les 10 ans. Et lorsqu'il a atteint les 11 ans, à ce moment-là, il a commencé à apprendre la science chez les gens de science de sa contrée, de son pays. فَحَضَرَ دَرْسًا لِشَيْخِهِ الدَّاخِلِ فَسَمِعَهُ يَكُولُ لِلنَّاسِ سُفْيَانْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ يَسُوقُ سَنَدًا. Et donc l'imam al-Bukhari, alors qu'il était jeune, 11 ans, il est donc allé participer, assister au cours de son enseignant, son cheikh, al-Dakhili. Il l'a entendu dire Soufiane, donc une chaîne de transmission, dans laquelle était cité Soufiane, selon Abi Zubayr, selon Ibrahim. Soufiane, selon Abi Zubayr, selon Ibrahim. Fekala lahu l'imam al-Bukhari. Inna Abi Zubayr. Lam yarwi an Ibrahim. Et donc on a Soufiane, Abu Zubayr et Ibrahim dans la chaîne de transmission. L'imam al-Bukhari qui dit à son cheikh, il a 11 ans, il dit à son cheikh, certes, Abu Zubayr n'a pas rapporté de narration de Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai. Abu Zubayr n'a pas rapporté de lui. Il n'a pas pris de lui. Fa amarahu an la yatakallam. Alors Dakhili lui a ordonné de ne pas parler. Il lui a ordonné de ne pas parler. فَقَالَ الْبُخَارِ اِرْجِعْ إِلَىٰ أَصْلِكَ. Reviens vers ta base. Ce qui est voulu par là, le livre, الْكِتَاب الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ. Le livre sur lequel tu t'appuies à la base. Le premier livre que tu as écrit. Reviens vers ce livre-là. Vérifie. Qu'a fait ce shir, le shir de l'imam al-Bukhari? Est-ce qu'il a fait دَرُفِيَ حَالَ ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il que mon élève, il réplique? Il est allé, il est rentré, ثم خرج, ensuite il est sorti, et il a dit à l'imam al-Bukhari, كيف هو يا غلام? Comment est-ce que c'est, ô petit enfant, غلام? Quelle est la parole juste? Al-Bukhari, il a répondu en disant, هو الزبير ibn Adi. C'est الزبير ibn Adi. Ce n'est pas Abu Zubayr. Ce sont deux personnes différentes. Ce n'est pas Abu Zubayr, mais c'est Zubayr ibn Adi. فَأَخْرَجَ قَلَمَهُ وَصَحَّحَ كِتَابَهُ. Le cheikh, il a pris son stylo et il a corrigé ce qu'il avait écrit dans son livre. Il a corrigé ce qu'il avait lui-même écrit dans son livre. وَقَالَ صَدَقْتَ. Et il a dit à Al-Bukhari, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Regardez, on a ici un élément qui nous montre la grande capacité de mémorisation de cet imam al-Bukhari. Mais aussi le fait de ne pas se taire quand cela concerne la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. De dire la vérité, même si c'est ton shir. Même si c'est ton shir, il se trompe, tu lui dis, ya shir, tu t'es trompé. Et ce shir, il doit accepter. Aujourd'hui, malheureusement, sont rares ceux qui acceptent de leurs étudiants. Si l'étudiant, il fait l'erreur de conseiller son cheikh, c'est fini. Mise en garde. Pourquoi? Il m'a manqué de respect. Pourquoi? Il m'a conseillé. Combien de fois on entend? Combien de fois? On l'a tous vu. Cheikh Rabi'a, on a tous vu, celui qui trouve une seule de mes erreurs dans un de mes livres, ou mes écrits, ou mes audios, ou qu'il contacte telle et telle adresse, qu'il me contacte via telle et telle adresse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu peux être en France, t'as pas forcément étudié, tu connais un peu l'arabe, t'as vu une erreur, tiens, je vais conseiller, Cheikh Rabi'a, tu envoies. Ah non, il a conseillé Cheikh Rabi'a, Aouzou Billah, il a manqué de respect au Cheikh. Non, c'est pas comme ça les frères. Cheikh Oubaid El Djabiri, combien de fois on l'entend dire à ses élèves, si vous voyez de moi une erreur, il y a Arafat, il y a un tel, alors dites-le-moi. Il n'y a pas de « ah, mais, non, mais, ah, tu ne me manques pas de respect, je suis plus grand que toi, lestu min akranik, je ne fais pas partie de ceux qui ont le même âge que toi, la même génération. » Non, alhamdulillah. Ahl sunnah, on accepte la vérité. On accepte la vérité. « Kala Hashid ibn Ismail, kana an-nas yahduruna durus shuyukhihim wa yaktubun. » وَهُوَ يَحْدُرُ وَلَا يَكْتُبُ. Al-Hashid ibn Ismail, il dit, les gens, ils assistaient aux cours de leurs enseignants et ils écrivaient. Al-Bukhari, il assistait et il n'écrivait pas. وَفَعَلَ ذَلِكَ أَيَّامَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّكَ تَخْتَلِفُ مَعَنَا وَلَا تَكْتُبُ. Et donc Al-Bukhari, il a fait ça pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, il va assister au durus et il n'écrit pas. Et lui ont dit, certes, tu te mélanges à nous, on va assister au durus des méchéirs, etc. Les assises de science. Et tu n'écris pas. Déjà, premièrement, on a en cela l'importance d'écrire. Je le répète à chaque fois, mais j'en ai profité aujourd'hui. J'en profite aujourd'hui. Et donc, regardez, ils l'ont blâmé. Ce qui montre que, à la base, talibul ilm, l'étudiant, il doit écrire. Si tu veux mémoriser les profits qui sont donnés, il faut que tu écrives. Comme on a dit, souvent, et c'est tout le temps la même chose, à la fin, ah, le cours, il était bien. Il a dit quoi? Allah alam, ça parlait d'Imam al-Bukhari. Mais, alhamdoulilah, c'était bien. Et donc, les profits qui sont cités dans le cours, durant le cours, vont partir après. Et donc, ils l'ont blâmé sur cela. فَبَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا قَالَ إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ. Après 16 jours, l'imam al-Bukhari, il leur a dit, certes, vous avez insisté avec moi. À chaque fois, il le blâmait, pourquoi est-ce que tu n'écris pas, pourquoi est-ce que tu n'écris pas. Certes, vous avez insisté. Fa'ridu alayya ma'indakum. Alors, montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi ce que vous avez. Fa'akhrajana lahu. مَا كَانَ عِنْدَنَا فَزَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ. Alors nous lui avons montré ce que nous avions noté en 16 jours. Et cela était supérieur à 15 000 hadiths. فَجَعَلَ الْبُخَارِ يَقْرَأُهَا كُلَّهَا عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ. Al-Bukhari s'est mis à les réciter tous ces hadiths-là par sa mémorisation. Ayatun min ayatillah. Un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faja'alu yusahihuna kutubahum min hifzihi. Alors ils se sont mis à corriger leurs écrits par la mémorisation de Al-Bukhari. C'est eux qui le blâmaient en disant, mais tu n'écris pas. À la fin, c'est eux qui profitaient de sa mémorisation pour corriger ce qu'ils avaient écrit. فَقَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يُقَدِّمُهُ أَحَدٌ لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ. Alors ils ont dit, nous avons compris que aucun ne le devançait. وَقَدْ كَثُرَتِ الْقِصَصُ الْمُبَيِّنَ لِقُوَّةِ حِفْظِ الْبُخَارِي. Et certes, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de récits qui montrent la force de mémorisation de l'imam al-Bukhari. وَقَالَ الْبُخَارِي أَحْفَظُ مِئَةَ أَلْفَ حَدِيثٍ صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. البخاري il a dit, je mémorise 100 000 hadiths authentiques. Je mémorise 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths faibles. 200 000 hadiths faibles. D'où l'importance d'avoir dans la communauté des hommes qui distinguent le vrai du faux, qui distinguent les ahadiths authentiques des ahadiths faibles, afin qu'on ne se mélange pas dans tout ça. Et donc Al-Bukhari, certains se demandent, comment se fait-il que des gens mémorisaient des ahadiths faibles, afin de mettre les gens en garde contre ces ahadiths qui sont faibles, afin de savoir qu'ils sont faibles pour ne pas œuvrer avec. وَكَانَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي يَحْفَظُ الشَّيْءِ مِنَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ L'imam al-Bukhari, il avait la capacité de mémoriser les choses en une fois. Nous, on nous dit, bon, les frères, Inch'Allah, on va mémoriser عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ. Allez, عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ, le hadith al-awwal, on se pose, pendant je ne sais pas combien de temps, on récite. L'imam al-Bukhari, en une fois, c'est fini. C'est mémorisé. ذكر العلماء أن الإمام البخاري لما قدم لبغداد أراد المشيخ أن يمتحنوه ويختبروه فدعوا 10 أشخاص ولكل شخص أعطوه 10 أحاديث وكل حديث أعطوا له إسناد مركب من حديث آخر. Et donc les savants ont cité que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il est arrivé à Bagdad, ils l'ont accueilli. Ils ont voulu le tester. Qui est cet homme dont on entend parler? Al-Bukhari. Ils ont voulu le tester. Alors ils ont choisi 10 personnes. Et ils ont donné à chacune de ces 10 personnes 10 hadiths. Chaque hadith avec la chaîne de transmission d'un autre hadith. Ils ont donc mélangé les chaînes de transmission et les hadiths. فَلَمَّ اجْتَمَعَ النَّاسِ Lorsque les gens se sont rassemblés, comme الْأَوَّلِ وَسَأَلَ الْإِمَامَ الْبُخَارِي عَنِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ Lorsque les gens se sont rassemblés, le premier d'entre eux s'est levé et il a interrogé l'imam al-Bukhari concernant le premier hadith, avec une chaîne de transmission qui ne correspond pas au hadith, mais qui correspond à un autre hadith. فَجَعَلَ الْإِمَامَ الْبُخَارِي يَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ L'imam al-Bukhari répondait en disant, je ne le connais pas. Deuxième hadith, je ne le connais pas. Troisième, je ne le connais pas. Jusqu'à ce qu'il finisse les 10 hadiths de cet homme. Ensuite, les 10 hadiths du deuxième, je ne le connais pas. Toujours, même réponse. Jusqu'à ce qu'il finisse les 100 hadiths. Je ne le connais pas. فَلَمَّا فَرَغُوا إِلْتَفَتَ إِلَى الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ ذَكَرْتَ كَذَا ذَكَرْتَ كَذَا وَكَذَا وَالصَّوَابُ كَذَا Alors il lui a dit, alors lorsqu'ils ont fini, l'imam al-Bukhari s'est dirigé vers le premier. Il lui a dit, tu as cité ça et ça et ça. Mais ce qui est juste, c'est ça. Il l'a corrigé. Et pour le deuxième hadith, pour le troisième, pour le quatrième, lorsqu'il a fini avec le premier homme, le deuxième, jusqu'à ce qu'il ait enchaîné les 100 hadiths. Les savants, ils ont dit, لَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُ حَفِظَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُ عَرَفَ الْخَطَأُ لأنه حفظ الصواب فيعرف الخطأ ولكن العجب أنه حفظ الخطأ من أول مرة وأعاده كما كان. Les savants, ils ont dit, ce qui est surprenant avec lui, ce n'est pas qu'il connaissait la vérité, c'est-à-dire le bon hadith avec la bonne chaîne de transmission, parce qu'il le mémorisait déjà. Et il n'est pas surprenant non plus qu'il ait reconnu les erreurs, parce qu'il connaît la vérité, donc il reconnaît les erreurs après. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a mémorisé les erreurs de chacun et qu'il les a répétées comme il les a entendues dès la première fois. Ayatun min ayatillah. Un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala hifzihi. Wa annahu kana wasi' al-ma'rifa. Wa kana mahiran fi 'ilm al-hadith. Et cela nous montre la forte mémorisation de cet homme et sa grande connaissance, ainsi que il excellait dans la science du hadith. Wa alafa hadha al-imam awwala kitab awwala kutubihi qadaya as-sahaba wa at-tabi'in. Et donc cet imam, il a écrit son premier livre qadaya as-sahaba wa at-tabi'in, thumma kitab at-tarikh al-kabir, ensuite le livre at-tarikh al-kabir ba'da ma balagha ath-thamina ashra. Et donc, cet imam, il a écrit ces deux livres après qu'il ait atteint les 18 ans. 18 ans. À 18 ans, ici, on passe le bac. Pour ceux qui ne sont pas en retard. L'imam al-Bukhari, il a écrit un livre, At-Tarikh al-Kibir, que jusqu'à aujourd'hui, les savants, ils profitent de ce livre pour savoir si un hadith est authentique ou faible. Jusqu'à aujourd'hui. Pour savoir si dans la chaîne de transmission des hommes sont corrects, sont fiables ou pas. Souvent on entend « Qala al-Bukhari fi tarikhihi ». Al-Bukhari a dit dans son livre « Tarikh al-Kibir ». Al-Bukhari a dit de un tel. Al-Bukhari a dit de un tel. « Wahad al-Kitab yutarjimu fihi lirruwat ». Et dans ce livre, en fait, il va citer une biographie concise de chaque rapporteur, chaque narrateur du hadith, afin de montrer si ils sont fiables ou pas, quand cela est nécessaire. فتعجب العلماء من جودة هذا الكتاب. Donc les savants furent surpris de l'excellence, de la qualité de ce livre. وله كتب أخرى. Il a écrit d'autres livres. الأدب المفرد, un livre dont nous profitons beaucoup dans cette mosquée entre Maghrib et Isha. بر الوالدين, la bienséance envers les parents. خلق أفعال العباد, la création des actes des serviteurs. تفسير التفسير الكبير, et d'autres, beaucoup de livres. وأخذ العلم عن علماء كبار كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما. Il a pris la science de grands savants. Parmi eux, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahouya et d'autres. وتتلمذ على يديه خلق كثير. Et beaucoup de personnes ont étudié chez lui. ذكر أنه حضره 90,000 يحضرون كتابه الصحيح. Kira'atahu li kitabihi sahih. Il a été cité que 90 000 personnes ont assisté à la lecture de son livre, As-Sahih. 90 000. Wa min ashhari talamidihi, al-imam al-Tirmidhi, wa al-Raziyyin, Abu Zur'a, wa Abu Hatim, wa al-imam Muslim. Et parmi les plus connus parmi ses étudiants, il y a l'imam al-Tirmidhi, ainsi que al-Raziyyin, Abu Zur'a, Abu Hatim. On a aussi l'imam Muslim. Subhanallah, parmi ses étudiants, des montagnes. Des montagnes parmi ses étudiants. Amma thana'u al-ulama'i alayhi fa kathir. En ce qui concerne les éloges des savants faits à son égard, alors, elles sont très nombreuses. Wa qad athna alayhi shuyukhuhu wa akranuhu wa talamidatuhu. Et certes, ses enseignants ainsi que ses confrères dans l'apprentissage, ainsi que ses élèves, ont fait ses éloges. Qala al-imam Ahmed, intaha al-hifz ila arba'ati min ahli Khurasan. L'imam Ahmed, il dit que la mémorisation s'arrête chez 4 personnes. C'est-à-dire que le plus haut niveau de mémorisation est chez 4 personnes de Khurasan. Abu Zur'a al-Razi, qui fait partie des étudiants d'Imam al-Bukhari. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Samarkandi, wal-Hassan ibn Shuja'a. Wa kol, ma akhrajat Khurasan mithla Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Et il a dit aussi l'Imam Ahmed, certes, Khurasan, la terre de Khurasan, n'a pas sorti une personne qui égale à Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل البخاري. أبو بكر بن أبي شيبة il dit nous n'avons pas vu quelqu'un qui soit égal à Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. وهذا كثير. Il y a beaucoup d'éloges faites à son égard. وقد ذكرت لكم عددا من الكتب التي ألفها هذا الإمام. Et certes, je vous ai cité un nombre des livres qui ont été écrits par cet imam. Mais je n'ai pas cité son livre le plus connu, qui est As-Sahih. Et son nom, le nom du livre As-Sahih. Sahih al-Bukhari. Et donc le nom du livre, Al-Jami'u al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Un peu long. C'est pour ça qu'il est connu comme étant Sahih al-Bukhari. Mukhtasar. وقد جمع البخاري في هذا الكتاب أحاديث انتخبها واختار لكتابه أصح الصحيح. البخاري il a rassemblé dans ce livre des hadiths qu'il a choisis. Et il a choisi les hadiths les plus authentiques. Il n'a pas choisi que des hadiths authentiques, mais il a choisi les hadiths les plus authentiques. نُقِلَ عَنِ الْبُخَارِ أَنَّهُ قَالْ مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ حَدِيثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. Il a été rapporté de Bukhari qu'il a dit « Je n'ai pas placé dans le livre al-Sahih un hadith sans que pour cela j'ai fait le rousl et que j'ai prié rak'atayn, deux unités de prière, pour al-Istikhara. » Pas un hadith sans qu'il fasse cela. Afin qu'il soit sûr que chaque hadith qu'il va mettre dans son livre ont été bien choisis. ونقل عنه أنه قال صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. Il a été rapporté de lui qu'il a dit j'ai écrit le jami', donc le sahih, en choisissant entre 600,000 hadiths, et cela en 16 ans. Et cela durant 16 ans. Et je l'ai placé comme preuve entre moi et Allah. Comme preuve entre moi et Allah. فجمع البخاري هذه الأحاديث التي اختارها على أبواب فاستخرج منها فوائد وأحكام. Et donc Al-Bukhari, il a rassemblé ces ahadiths qu'il a cités dans un ordre précis avec des chapitres. Et il a tiré de ces ahadiths des leçons et des jugements. Et cela nous montre fiqh al-Bukhari, la compréhension de cet homme, de cet imam. نقل ابن حجر عن النووي في هدي الساري أنه قال ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها انتهى. ابن حجر l'a cité dans son livre هدي الساري que النووي il dit que البخاري ne voulait pas par ce livre le fait juste le fait de citer des hadiths. Mais il voulait par là le fait de tirer des leçons et des profits de ces hadiths et de les utiliser comme preuve dans plusieurs chapitres qu'il a choisis. وأحيانا البخاري يذكر في الباب بعض الآيات. Et donc parfois Al-Bukhari il cite dans un chapitre certains versets. Et donc ce n'est pas qu'un livre de hadiths comme certains disent. Al-Bukhari muhaddith ليس فقيه. Ils disent, Al-Bukhari, c'est un muhadith, il n'est pas faqih. Ils vont dire ça à d'autres imams du hadith, Al-Albani ou d'autres. Ou l'imam Ahmed, ils vont dire, muhadith, laissa faqih. La yakoulu hada al-kalam illa man lam yakra fi kutubi ahl al-hadith. Ceux qui vont dire cette parole sont ceux qui n'ont pas lu dans les livres des gens du hadith. Car en lisant leurs livres, tu te rends compte de leur compréhension. Le titre du chapitre qu'ils choisissent, les leçons qu'ils peuvent sortir du hadith. Cela te montre leur compréhension. وذكر العلماء أن من الأسباب التي جعلت البخاري يؤلف الصحيح أنه رأى التصانيف التي ألفت قبل عصره تجمع بين الصحيح والضعيف فجمع كتابا خاصا لأحاديث الصحيحة. Il a été cité que parmi les causes qui ont incité l'imam al-Bukhari à écrire ce livre est qu'il a vu les livres qui ont été écrits avant son époque. Et que ces livres comportaient des hadiths authentiques et faibles. Il a donc écrit un livre spécifique concernant les hadiths authentiques. وذكر ابن حجر أن البخاري سمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. Ibn Hajar a cité que Al-Bukhari a entendu son cheikh Ishaq ibn Rahouya dire si seulement vous rassembliez des hadiths dans un livre comportant les hadiths authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là l'imam Al-Bukhari il dit alors à ce moment-là il m'est venu cette idée et j'ai commencé à rassembler les hadiths du Jami' al-Sahih. Wa min al-masa'il al-muhimma allati yanbaghi ma'rifatuha safaru hadha al-imam ila Naysabur. Parmi les sujets importants qu'il est important de connaître, le voyage de cet imam à Naysabur. Falamma qadima Naysabur istaqbalahu an-nas wajtama'u hawlahu wajtama'a hawlahu 'adadun kabir min at-tullab لحضور مجالسه حتى أثر ذلك في مجالس المشايخ الآخرين. Lorsque Al-Bukhari est venu à donc à Naysabur, les gens l'ont accueilli et les étudiants se sont rassemblés autour de lui pour assister à ses assises de science, jusqu'à ce que cela ait un impact sur les autres chiyours qui eux aussi donnaient des cours. C'est-à-dire que le nombre de leurs élèves a diminué à cause du fait qu'ils sont aux cours et aux assises de l'imam al-Bukhari. Thumma rumi al-Bukhari bi annahu qala lafzi bil Qur'ani makhluq. Et ensuite al-Bukhari, il a été accusé d'avoir dit lafzi bil Qur'ani makhluq. Ma prononciation du Coran est créée. Wa ta'lamuna anna fitnat khalq al-Qur'an farraqat an-nas fi tilka al-azmina. Et vous savez que la fitna liée à ceux qui disaient que le Coran a été créé, a divisé les gens à cette époque. فَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ صِفَةٌ لَهُ وَمَنْ قَالَ إِنَّ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مَخْلُوقَ فَقَدْ كَفَرَ. Et donc les gens de la Sunna, ils ont dit, le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Le Coran est la parole d'Allah et sa parole fait partie de ses attributs. Et celui qui dit que un des attributs d'Allah a été créé, alors a mécru. Wa qalat al-mu'tazila al-Qur'anu makhluq. Al-mu'tazila, ils ont dit que le Coran a été créé. Wa tawaqqafat ta'ifa fa qalu la adri makhluq aw ghayru makhluq. Il y a un groupe qui se sont abstenus, ils ont dit on ne sait pas s'il a été créé ou il n'a pas été créé. Wa qad hadhara minhum al-ulama, et certes les savants ont mis en garde contre ce groupe. Litalbisihim al-nas, à cause des ambiguïtés qu'ils plaçaient chez les gens. Et le fait qu'ils faisaient croire aux gens, le fait qu'ils disent cette parole fait croire aux gens que c'est cela, la position du juste milieu. On n'est pas avec eux, ni avec eux, pas adri. Comme on entend à notre époque, je rentre pas dedans, ou non, je m'abstiens, etc. فَلَا يُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ الْحَقِّ. Et donc, ils n'expliquent pas aux gens la vérité. Ils ne montrent pas aux gens la vérité. Alors que cela est obligatoire. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre après que nous l'ayons éclairci pour les gens dans le livre, alors ceux-là sont ceux que Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Il est obligatoire d'expliquer aux gens la vérité. Alors les savants ont mis en garde contre ces gens. Wa qala at-ta'ifa lafzi bil Qur'an makhluq. Et un autre groupe ont dit ma prononciation du Coran a été créée. Wa hadha al-lafz وهذا الكلام رد عليه اهل العلم. Les savants ont répliqué à cela aussi. Pourquoi? لان هذا الكلام يشتمل حقا وباطلا. Car cette parole elle peut comprendre du faux comme du vrai. قد يراد باللفظ افعال العباد. Il se peut que ce qui soit voulu par la prononciation ici, c'est les actes des serviteurs. Le fait donc qu'il va commettre des actes pour prononcer le Coran. فهذا حق قالوه يعني عمله مخلوق. Ses œuvres ont été créées, ça c'est vrai. ويحتمل أن يراد بذلك الملفوظ وهو القرآن. Il se peut que ça soit que ce qui soit voulu par là, c'est ce qui est prononcé. Et ce qui est prononcé, c'est le Coran. Et donc ça revient à dire que le Coran a été créé. Et donc les savants ont répliqué à cela. فقال بعض الناس إن البخاري قال لفظ بالقرآن مخلوق. Certaines personnes ont dit que le Bukhari a dit cela. لفظ بالقرآن مخلوق. فحذر منه Al-Ba'd. Alors certains ont mis en garde contre lui. Faqila man qala lafzi bil Qur'an makhluqun fa huwa mubtadi' la yujalas wa la yukallam wa man hadara للبخاري لمحمد بن إسماعيل بعد هذا فاتهموه فإنه لا يجلس عنده إلا من كان على مذهبه. Et il fut dit, toute personne qui dit ma prononciation du Coran est créée, alors celui-ci est un innovateur, on ne le fréquente pas et on ne lui parle pas. Et toute personne qui assiste aux assises de Al-Bukhari, de Muhammad ibn Ismail après cela, alors accusez-le. Alors accusez-le. Car les seuls qui assistent à ces assises sont des gens qui sont sur la même voie que lui. Wa kana Al-Bukhari yaqul man qala inni qultu lafzi bil Qur'an makhluqun fa huwa kadhdhab. Al-Bukhari il disait, celui qui dit que j'ai dit ma prononciation du Coran a été créée, alors celui-ci est un menteur. Celui-ci est un menteur. فَكَانَ يُنْكِرُ هَذَا بِشِدَّةِ. Il rejetait cela de la plus forte façon, l'imam al-Bukhari. Et on revient à un sujet, rappelez-vous, par rapport à toutes les ambiguïtés qui sont propagées à notre époque. Certains qui nous disent, rappelez-vous, je vous avais cité, un qui disait مَنْ تُكُلِّ مَا فِيهِ يُتْرَكْ. Toute personne qui a été critiquée, on le délaisse. Et je lui avais cité Taïb. Et donc les rapporteurs du livre Sahih al-Bukhari, qui parfois ont été critiqués, est-ce que tu vas les délaisser? Ou alors tu vas regarder, est-ce qu'ils ont été critiqués avec preuve ou pas? On n'avait eu aucune réponse, jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on réitère la question et on dit, est-ce qu'on délaisse al-Bukhari? Est-ce qu'on doit délaisser l'imam al-Bukhari? Il a été critiqué. On va nous dire, non, mais tout le monde sait que l'imam al-Bukhari n'a pas dit cela. Et donc, votre règle est fausse. Ya ikhwa, el-roulou ou fid-din dolaloun mubin. Oh mes frères, l'exagération dans la religion est un égarement évident. Est un égarement évident. El-roujour ilal edilla. Hadha huwa al-mu'tabar. La seule chose qui a de la valeur, la seule chose qui est prise en compte, c'est le fait de retourner vers les preuves. Lorsque les savants parlent avec les preuves, alors à ce moment-là, nous prenons. Allons-nous dire, on va délaisser l'imam al-Bukhari? On délaisse son livre, on délaisse l'imam al-Bukhari? Cela est totalement faux. Et voilà donc l'importance d'étudier les livres de ces gens-là, les pieux prédécesseurs. La biographie des pieux prédécesseurs. Comment étaient-ils durant les troubles? Et aussi, ماذا حصل? Que s'est-il passé pour l'imam al-Bukhari? Que s'est-il passé? Tarakati nasu majalisahu. Les gens ont délaissé ses assises. Ils ont délaissé ses assises. Illa muslim wa Ahmed ibn Salama. Ils ont délaissé ses assises sauf l'imam muslim et Ahmed ibn Salama. Deux. Aujourd'hui, certaines personnes viennent nous voir. Oh, lorsque je vais à Médine ou à la Mecque, j'ai tant de personnes qui viennent me voir du Kazakhstan, de je sais pas où, et donc ça montre que je suis sur la vérité ou autre. Ça ne veut rien dire. On va dire al-Bukhari, il était à al-Batil, il était sur le faux, parce qu'il y a deux personnes qui sont restées avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit "Uridat alayya al-umam, les communautés m'ont été montrées, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Alors j'ai vu un messager qui avait avec lui un nombre compris entre 3 et 9. Un messager qui avait avec lui un nombre de personnes qui ont cru en lui compris entre 3 et 9. Il était sur le faux? Parce que seul un petit nombre de personnes l'ont suivi? Et j'ai vu un messager qui avait avec lui un ou deux hommes. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Et j'ai vu un messager avec qui il n'y avait personne. Est-ce qu'on va dire que ces messagers, ils étaient sur le faux? Jamais. Et donc, mes frères, لَيْسَتَ الْعِبْرَ بِالْكَثْرَ. Le nombre, le grand nombre n'est pas pris en compte. C'est la preuve. Que l'on soit 1000 dans cette mosquée ou 5, ça ne change rien. C'est la preuve qui est prise en compte. C'est la preuve. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a quitté Neysabur. Il a donc quitté donc cet endroit dû à la pression. Wa raja'a ila Bukhara. Il est retourné à Bukhara. Wa qila innahu turida min Bukhara. Il a été dit qu'il a été aussi chassé de Bukhara. Mais il y a été cité une autre raison que celle que j'ai citée précédemment. Et donc, cet homme s'est retrouvé vers la fin de sa vie, éprouvé. Fatoufiya rahimahullah ta'ala. Et donc il est mort. Il est mort, Laylat al-Eid al-Fitr, la nuit de Eid al-Fitr, qui est donc la nuit de, c'est la fin de quoi? La fin de Ramadan. Et donc il est mort à la fin de Ramadan, et c'était en l'an 250 de l'Hégire. 256, excusez-moi, de l'Hégire. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et jusqu'à aujourd'hui, nous profitons de la science de cet homme. Et nous allons tâcher, inshallah ta'ala, de profiter de quelques hadiths qu'il a cités dans son livre As-Sahih. Excusez-moi donc si j'ai fait un peu long aujourd'hui, mais il y avait quand même certains passages importants de citer, et on a délaissé beaucoup de passages parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et donc voilà, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous une science profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fiikum barakallah.